إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب في الدرس الماضي أخذنا شيئا من أقسام تفاصيل في بعض العبادات certain تقسيمات كنا نقوم العبادات كما الدعاء كي الدعاء المسألة ودعاء العبادة On a pris le zabh, le nazr, l'isti'afa, le zalika. Ça, c'est des masailles, alhamdoulilah, qui se répètent beaucoup dans les kutub de tawhid, dans le salatha, kitab tawhid, le zalika. Alhamdoulilah, hatta takuna wadiha, qu'elle soit claire pour les gens. Pour ne pas qu'il y ait de tachabout, de confusion qui tombe dedans, et demain, ils voient quelqu'un qui fasse un dua, par exemple, et qui s'imagine que lorsqu'il a fait un dua, autre que Allah, en invoquant une personne, par exemple, qui est en mesure de faire ce qu'il attend de lui, il s'imagine qu'il déwasawis, qu'il a fait du shirk. Voilà les alikas. C'est pareil dans la khouf. Le khouf, le raja, le tawakul. Il n'y a pas de taxon tawakul. Tawakul, c'est illallah. Lakin, il y a d'autres ibadats, c'est pareil. Il y a des tafasils. Il y a des tafasils à faire dedans pour que la personne sache quand est-ce que c'est du shirk et quand est-ce que ça n'en est pas. Donc là, savoir que le shi'a al-Faymin, il explique. Donc moi, je m'arrête à chaque partie où Cheikh Al-Faymin s'est arrêté du matin. C'est-à-dire, je dis pas forcément là tout ce que Cheikh Al-Faymin dit, ou même des fois, je ne dis pas du tout ce qu'il a dit, parce que des fois, le kalam, il est clair, il est wadih. Mais je m'arrête dans les paragraphes du matin, comme elles sont dans le livre. D'accord ? Comme elles sont dans le livre, c'est-à-dire dans le charh de Cheikh Al-Faymin. Car c'est ça mon... un artamin à la hada. فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وإن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Là, l'auteur est poursuivi en disant que si tu as su justement que ces gens-là ont reconnu le tawhid al-rububiyya, que cela ne va pas entrer en islam. Et que le fait qu'ils aient visé les malaïka ou les awliya et les anbiya par leurs adorations, qu'ils attendent d'eux la shafa'a, le rapprochement d'Allah, tu sauras que cela, c'est ça qui a permis que leur sang et que leur bien et que leur vie soient licites. Allez, quand on dit sang et les vies, c'est pareil. Donc tu auras su que le tawhid auquel ont appelé les messagers, c'est celui-là qu'ils ont refusé, qui est tawhid al-ibada. Donc toute cette partie-là, alhamdoulilah, elle est claire. Et elle se répète que les mouchtikoun avaient tawhid al-rububiyya et cela ne nous a pas fait rentrer en islam et qu'ils ont refusé ce à quoi ont appelé les messagers. فقال بعد هذا هذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم والذي يقصد لأجل هذا الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قد قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا باللفظ السيد فأتهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله دونك التوحيد Ce tawhid auquel les messagers ont appelé, c'est celui qui est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Car pour eux, el ilah, pour eux, le mot ilah s'applique sur celui qu'ils visent par ces choses qu'ils font comme adoration pour se rapprocher. Qu'il s'agisse d'un ange, qu'il s'agisse d'un prophète, qu'il s'agisse d'un wali, qu'il s'agisse d'un arbre, d'une tombe, d'un djinn. Eux, pour eux, le sens du mot ilah, c'est le ma'boud, c'est-à-dire la chose pour laquelle ils appliquent cette adoration. Tamam, c'est celui qu'ils visent par cette adoration en soi. Comme cet ange, comme ce djinn, rizalika. Tamam. Mais eux, ils différencient entre el-ilah et al-raziq, wal-khaliq, al-mudabbir. Voyez? Pour eux, l'adoration qu'ils font à ces créatures est un moyen qui les amène vers Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Muhi, Al-Mumit ou Al-Zalika. celui qui a la Rububiyya. Il donne adoration pour sa créature pour pouvoir parvenir au Créateur. Donc de là, la ilaha illallah, pour eux, ils ont bien compris que nulle divinité digne d'être adorée ce n'est Allah, que le mot divinité à ce moment-là, ils savent très bien, quand même, que eux, ce mot divinité qu'on dit ilah en arabe, ils l'appliquent sur ces créatures. Donc ils différencient entre celui qui est adoré et celui qui a créé. Ils adorent ces créatures pour se rapprocher du Créateur. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il a voulu faire comprendre par là. Pour eux, il est celui qu'ils adorent. Mais ce n'est pas le Khaliq. Pour eux, le plus haut et l'extrême, c'est le Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir, wa ghayr dhalika. Et mais pour eux, cette croyance ne les empêche pas d'adorer autre que lui pour parvenir à lui. Donc quand tu leur dis cela aux mushrikoun, ils savent très bien ce que tu vas dire par là, c'est pour ça qu'ils refusent. Ils refusent de délaisser ses adorations pour ses créatures. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à cela, à ce que l'adoration, c'est-à-dire elle il est, c'est Allah. Donc ce que vous faites pour ces créatures, c'est Allah qui le mérite et pas elle. Naam. Donc c'est ça en arabe. La ilaha illallah. Ilah, à la base, ça veut dire ma'boud. Ma'boud, c'est ismaful de abada, qui veut dire adoré. Donc, la ilaha illallah, ça veut dire, comme vous le savez, la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc, les mushrikoun, ça, ils le savent très bien. Et ils ont très bien compris le sens de la ilaha illallah. C'est pour ça qu'ils ont refusé. Enfin, même, c'est pour ça qu'ils ont refusé. Si tu avais dit la khaliqa illallah, ils ont accepté. Tu aurais dit « La raziq illallah » ils ont accepté. Tu aurais dit « La mudabbir illallah » c'est-à-dire pas de créateur ce n'est Allah, pas de pourvoyeur la substance ce n'est Allah, ils ont accepté. Voyez ? Tu l'aurais dit « Pas de muhi illallah » pas de il n'y a personne qui donne la vie ce n'est Allah, on dira comme ça, ils ont accepté. « La mumit illallah » personne ne donne la mort ce n'est Allah, ils ont accepté. L'ishkel c'est Ilah, ma'boud. C'est là que ça a coincé, c'est là qu'ils n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit bien par la suite. Aja'ala, à dire à propos des mushrikoun, qu'est-ce qu'ils disent? Aja'ala, al-ilahata ilaham wahida, inna hadha, la shi'un ujab. Wan talaka al-mala'u minhum, animshu, wasbiru ala ahliyatikum, inna hadha, la shi'un yurad. Ma sami'ana bihadha fil millatil akhira, inna hadha, il-ihtilaq. Qu'ils ont bien dit dans le sens, Allah dit bien, est-ce qu'il l'a fait de l'adorer une seule divinité? C'est certainement une chose surprenante. Le fait que les adorations ne soient réunies que pour une seule divinité, pour eux c'est une chose qui est surprenante. Et que les notables des mushrikoun se sont renfrognés et ont dit patientez sur vos divinités, c'est ça qu'on attend de vous. C'est-à-dire défendez-les, ces choses que vous adorez, défendez-les. Nous n'avons même jamais entendu cela dans les communauté antérieure, c'est une chose qui a été purement inventée. Le fait d'unir l'adoration que pour une divinité, c'est-à-dire Allah. Pour eux, c'est une chose qui est inconcevable. Donc cela s'appelle du polythéisme. Car pour des gens, le polythéisme, c'est avoir plusieurs dieux, comme par exemple, comme c'était le cas des Grecs, comme c'était le cas des Romains auparavant, comme c'était le cas des Celtes, ils avaient leur divinité, le dieu de la mer, le dieu du ciel, le dieu de l'amour, le dieu des vents, le dieu du tonnerre, le dieu de ceci, de cela. Les gens, ils pensent que le polythéisme, pour eux, c'est ça le polythéisme. C'est que tu as décrété un dieu pour une fonction particulière. Donc tu as plusieurs dieux. Ils ne réalisent pas que le fait même de reconnaître un seul créateur, mais que ton adoration, tu l'accordes à autre que lui, même si tu reconnais que ces choses que tu adores sont des créatures et non pas des dieux, eh ben cette adoration-là fait de toi un polythéiste. Car cette adoration n'est que pour Allah. Vous voyez ? Cette adoration n'est que pour Allah. Et même ces mushrikoun d'antan, qui avaient plusieurs dieux, ils en avaient toujours un qui était supérieur aux autres. Un qui avait plus de pouvoir que les autres. Ils n'étaient jamais égaux. Il y en avait toujours un, c'était lui, le plus grand des dieux. Et après, ils se vantaient, quel est ton dieu à toi? Mon dieu à moi, il est plus grand. Mon dieu, il fait ci, et toi, ton dieu, il fait qu'est-ce qu'il fait? Et ainsi de suite. Et après, ils se battaient pour leur dieu. Mais ils en avaient toujours un qui était précisément plus haut que les autres. Et ben eux, ça ressemble un peu à ça, que le point culminant pour eux, c'est Allah. Mais dans quel sens? Dans la Rububiyya seulement. C'est lui le créateur. C'est lui qui donne la substance. Celui qui donne la mort. Celui qui donne la vie, et les Zalika. Mais l'adoration, il la donne pour autre que lui. Donc ça, c'est du polythéisme également. car l'adoration n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu ne crois pas que ce que tu adores, c'est une divinité, dans ton cœur, tu dis, ce n'est pas un dieu pour moi. D'accord? Quand je dis le mot dieu, c'est pour faire comprendre aux gens qui parlent de cette façon-là, mais nous, le mot dieu, on ne reconnaît pas. T'as même? Et là, je n'applique pas le mot dieu à Allah. Là, je parle à ces gens-là. T'as vu? Ben, ne pas confondre. Donc, il dit, moi, je ne crois qu'en un seul dieu, Masalan. Mais cette croyance qu'il a, c'est que ce seul dieu-là, c'est le créateur. Et à côté, il va adorer des saints. À côté, il va adorer des créatures. Et ben, en faisant cela, il aura fait du polythéisme. Bien comprendre que c'est du polythéisme. Le polythéisme ne s'applique pas que sur une version comme eux, ils l'ont. Mais c'est beaucoup plus vaste que cela. Et le seul qui peut comprendre cela, c'est le muwahhid. Il n'y a que Sahib de Tawhid qui peut comprendre qu'est-ce que le polythéisme réellement. Il n'y a que lui qui a compris l'unicité. Donc il aura compris son contraire. Alors eux n'ont pas compris l'unicité réellement. Donc comment vont-ils comprendre son contraire? Ils ne pourront pas le faire. Et Barda Hada, qu'on a le mu'allifu, fil matn. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهل يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وإفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام ولا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معنى لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال كفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Donc là, attention, il vient sur le fait que de dire la ilaha illallah, c'est une croyance et non pas un simple terme prononcé par la langue. Car si c'était le cas, pourquoi est-ce que les koufars de Quraysh auraient refusé de le prononcer? Ça prouve que cette phrase, elle a un sens profond et que eux, ils l'avaient compris. Sinon, ils auraient dit, la ilaha illallah, si tu veux, on le dit, il n'y a pas de problème, on le dit. Mais ils ont refusé de le dire. Car, c'est-à-dire que les koufars de Quraysh étaient plus savants, comme le chir le dit par la suite, que bien des musulmans, ou plutôt des gens qui s'apparentent à l'islam aujourd'hui. Le mouchirik, il sait que si jamais il dit, et je pense des mouchikounes de l'époque, s'il disait la ilaha illallah, ça impliquait des œuvres derrière. Ce n'était pas une simple parole prononcée. Ça impliquait des choses derrière. Donc, ils refusaient de le dire. Et c'est pour cela qu'il disait dans le sens, comme Allah dit dans le Coran, a-t-il fait des divinités une seule divinité, c'est vraiment une chose surprenante. Pour eux, c'était une chose inconcevable, comme on l'a expliqué. Donc, comment ne pas être surpris que de voir que des mouchidikounes ont compris cela, ce que des gens qui prétendent l'islam n'ont pas compris cela. Des koufars ont compris cela, et des gens qui disent la ilaha illallah de leur langue n'ont pas compris cela. Hein? Ils pensent que dire la ilaha illallah, c'est juste une parole prononcée, sans qu'il n'y ait de croyance dans le cœur. Et que cela s'accroche au sens précis de ces termes. Donc eux, ils pensent que la ilaha illallah, ça veut dire pas de créateur ce n'est Allah, pas personne qui ne contrôle la création ce n'est Allah, personne n'accorde la subsistance ce n'est Allah. Et ça, ces choses-là, on a expliqué que les koufars, ils l'avaient. Moujidik Quraysh, ils le savaient très bien cela, et c'est là ce qu'ils étaient exactement. Si aujourd'hui ces gens-là avaient rencontré les koufars de Quraysh, ils seraient bien entendus. Ils ont dit, votre croyance est la nôtre. Votre croyance là sur laquelle vous êtes, il n'y a pas de problème. Si c'est ça l'islam, on accepte. Mais ce n'est pas ça l'islam. C'est pour ça qu'ils ont refusé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui avait été présent, quand même, il aurait combattu ces gens-là aujourd'hui qui disent la ilaha illallah et qui adorent autre que Allah. Car cette parole, ils l'ont interprété comme était la croyance des Quraysh, des mouchikounes de Quraysh. Leur interprétation de la ilaha illallah, c'était exactement la croyance que Quraysh ils avaient. Sauf que la différence qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, comme ils sont ignorants, ils prononcent la parole de leur langue. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas la croyance et la connaissance réelle de cette parole. Alors que Quraysh, eux, ne prononçaient pas cette parole, vous voyez, mais ils avaient au fond d'eux la connaissance de ce qu'appliquait cette parole. Donc regardez, ils sont similaires, opposés en même temps. Nous, aujourd'hui, la parole, on la prononce, mais on l'a pas compris. Quand je dis nous, je parle les gens de notre époque. parmi les gens de l'islam. Quand je dis nous, alhamdoulilah, les musulmans, ils ne sont pas comme ça. Je parle des gens qui s'apparentent à l'islam et qui font du shirk. Et les mouchriques de Quraysh ne voulaient pas la prononcer, mais dans leur cœur, ils avaient compris ce qu'ils voulaient dire par là. C'est adib. Donc ça, c'est l'un des chebouettes que ces gens, ils ont, et qu'il faut comprendre. Et ça, ça amène une chose que, alhamdoulilah, qu'on a déjà cité. On a des gens aujourd'hui, de façon plus large, par rapport à l'islam, qui veulent faire comprendre que l'islam, c'est telle et telle religion, et faire comprendre aux koufars qui n'ont pas compris l'islam. Vous avez des gens comme Tariq Obro Masalen, qui veulent te faire croire que tu n'as pas compris c'est quoi l'islam. Donc il vient avec des choses nouvelles, des choses déviées, des égarements, même de la mécréance, pour dire aux mécréants, non, l'islam c'est pas ce que tu crois. L'islam c'est ça, ça, regarde, pour dire que toi et moi on est presque pareil. Mais le kafir, t'as des gens, c'est des koufars, ils savent très bien, ils disent, ce que tu dis là, c'était pas ça l'islam. Moi quand je lis le Coran, c'est-à-dire les sens relatifs et rapprochés, même dans le sens relatif rapproché, je ne trouve pas ce que tu dis là, toi. Je vois des choses dans ce livre qui montrent que vous et nous ne sommes pas pareils. C'est-à-dire le kafir va dire ça. Ce à quoi tu m'appelles, je ne veux pas le faire. Vous avez des gens comme Jarafil Kazali qui disait que la France, c'est un pays qui applique plus la charia que les pays d'islam aujourd'hui. Après, il a voulu faire croire, il a voulu venir avec Ad-Daruriyat Al-Khams, faire croire qu'en France, on les applique, contrairement au pays d'islam. Il a interprété ces Daruriyat Al-Khams à sa façon à lui, pour faire croire aux koufars, regardez, vous et nous, ce qu'on fait, c'est pareil. C'est-à-dire, il a dû déformer les choses réelles pour convaincre les koufars. Et même les koufars n'ont pas été convaincus, ils savent très bien que ça passe pas. Quels sont les Daruriyat Al-Khams? Al-Nafs, la vie. Elle mêle les biens. Elle acle la raison. Elle hird l'honneur. Et la principale, elle aqida ad-din. C'est ça qui va en premier. Et quand on dit hird, t'en as, ils ont mis le nasl. Il y en a certains qui disent nasl, c'est-à-dire la descendance. D'autres ont mis le hird, mais les deux, ils sont un peu liés parce que c'est lié par rapport à quoi? Par rapport au zina. À la fornication. Donc il y a un lien entre les deux. Quand même. Et lui, il a voulu faire croire quoi? Que le fait de préserver la vie, c'est la vie de tout le monde. C'est-à-dire, dit nous en France, vous préservez la vie des gens. Tuer est interdit. Ou ce genre de choses. Est-ce que ça s'applique ici ou pas? Ils vont dire oui. Donc, ce point-là, vous l'avez. Alors que nous, l'islam, la vie, elle est préservée, mais avec des conditions. En islam, il y a la peine de mort. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de vivre. Il y a des gens, il faut les exécuter. Mais cela, avec des conditions, et sous un gouvernement islamique, bien entendu. Quand même, c'est pas toute vie. Le prophète Sarasem a combattu qui? Les mouchriquins. Il n'a pas respecté leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient du shirk. Quand il a pris la force. Donc là, ce que Bajrafil dit, elle s'oppose totalement au tawhid. Après, elle a dit quoi? Elle a aql. Comment elle a dit le aql? Il n'a pas dit le aql, c'est le fait d'avoir la raison. C'est le fait, il avait dit quoi? Le fait d'être, le droit d'être intelligent. C'est-à-dire, si jamais tu es intelligent, hein, l'islam te donne le droit d'être intelligent. On dit l'islam ne t'appelle pas être intelligent, forcément en soi. Mais l'islam t'appelle à garder ta raison, c'est-à-dire ne pas la perdre parce qu'il est enivrant comme les alcools ou comme ce qui est drogue, ce genre de choses, pour ne pas, après, par la suite, commettre des actes encore plus graves. Mais demain, un musulman qui, on dit par exemple, qui n'est pas forcément muni d'une grande intelligence, il n'a pas le droit de vivre. Il n'est pas un musulman pour autant. Les gens sont différents. Les gens, ils ont une grande intelligence, d'autres, ils en ont moins. Donc ce n'est pas l'intelligence en soi qui est appelée, mais la compréhension de la religion. Et cette religion, alhamdoulilah, ne demande pas de grande intelligence. Elle demande surtout du tawfiq et de la sincérité. C'est une religion qui est apportée de tout le monde. Le tawhid est une chose qui est apportée de tout le monde. Tayyib. Après, elle avait dit quoi? Le fait de préserver les biens. On dit tayyib, préserver les biens, pareil. Ce n'est pas dans l'absolu. Il y a des gens, leurs biens doivent être pris. Et les koufars ne respectent pas ce point-là, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge de cet homme-là. Car les impôts, tout ce qui est impôts, tout ce qui est taxes, tout ce qui est certaines amendes et le riba qu'ils prennent, ils ne respectent pas les biens comme l'islam l'appelle. Ils prennent ton argent injustement. Donc c'est encore un mensonge de sa part. Également, il a interprété el-nasl comme le fait de pouvoir continuer à faire perdurer la race humaine. Si c'est pas du déj, ça, ce n'est pas un kazib. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il fait croire que l'islam appelle à faire perdurer l'espèce humaine. On dit non, mais de quelle façon? De façon légiférée, c'est-à-dire par le mariage. Alors que lui, quand il appelle cela, ça n'entendait pas la fornication. Donc un kafir a dit, ben moi, demain, j'ai ma petite amie, on a fait un enfant, donc alhamdoulilah, j'ai respecté une des darurat de l'islam. Laisse obligé de te dire, oui, tu l'as fait. Et dis-moi, je préserve la race humaine, j'ai fait des enfants avec ma copine Fulana. Et là, la différence entre lui Et ce à quoi il appelle l'islam, il a forniqué. Et c'était quoi l'autre? La religion. Il a appelé ça le quoi? Le droit de croyance. C'est-à-dire que tu peux avoir la croyance que tu veux. Tu veux être un Nasrani, tu peux être un Nasrani. Tu veux être un Yahoudi, tu peux être un Yahoudi. Que l'islam, elle est là pour préserver la croyance des gens. On dit ça, c'est un kazib. Elle est là pour préserver la croyance islamique, être tawhid. Et celui qui ne la respecte pas, si on est en force, c'est ou la jizya ou le qital. Donc regardez comment cet homme-là a voulu déformer les choses. Il a voulu changer l'eau en poison. Et même les koufars, ils n'ont pas accepté. Parce que ça serait bien. Même quelqu'un qui lit le Coran. Dans le Coran. Par exemple, un kafir qui lit le Coran, qui parle arabe, il va voir que ces paroles-là sont totalement absurdes. Et celui qui lirait le sens, traduction des sens relatifs et rapprochés, pareil, il verrait que ça n'existe pas ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, tu as des koufars. Je le dis. Des koufars, ils ont mieux compris l'islam que des gens qui s'apparentent à l'islam aujourd'hui. Des gens comme les gens du Front National qui combattent l'islam, parce qu'ils savent que si l'islam y vient, qu'est-ce qui va se passer? Ils savent très bien. Ils savent très bien. C'est pour ça qu'ils les combattent, tout comme les mouchriquins à l'époque ont combattu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savaient que le tawhid, à quoi ça allait amener? À faire détruire toute leur, tout le shirk. Et ça, ils ne voulaient pas. Et leur mode de vie. Bah oui, ils savent très bien que l'islam, s'il s'inclut en France, ça va casser leurs valeurs républicaines, ça va casser leur démocratie, ça va casser leur fausse liberté, leur fausse fraternité, et tous leurs mensonges. Ils le savent très bien, cela. Donc ils ont compris. C'est pour ça qu'ils refusent l'islam. Comme les mouchriquins à l'époque, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, ils veulent, non, te faire croire que l'islam, tu n'as pas compris c'est quoi, en vrai, l'islam, vous pouvez le comprendre, vous pouvez l'accepter, et vous-même, vous avez des valeurs de l'islam en vous. Juste, il manque quelques détails, c'est tout. Ça, ce sont des Dajjalis. C'est le pluriel de Dajjal. Des Dajjaloun purs. Il y en a plein des comme ça. Et ça, c'est la Zandaka et du Nifaq. Maintenant, le hukm sur eux, faut revenir aux savants. Mais ce qu'ils disent, c'est la Zandaka. C'est de l'hypocrisie, c'est du Nifaq. Puis là, chèque. Ah, mais le hukm sur l'individu, faut revenir au ulama pour pouvoir dire que Foulen, c'est un kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Donc tout cela pour dire que les kuffars, tamam, de Quraysh à l'époque, avaient mieux compris le sens de la ilaha illallah que des gens qui aujourd'hui s'apparentent à l'islam. Alors, khulasat al-kalam. Tayyib. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Je n'ai pas lu ce que là, c'est ce que le shir il a dit forcément, car comme je l'expliquais, pour l'instant, ces paroles, alhamdoulilah, sont simples à comprendre. Le mut en lui-même, il est wadih, il est clair. Tamam, il est clair. Et par la suite, s'il y a des fawa'id en plus à rajouter, on la rajoutera, inshallah ta'ala. Donc là, pour l'instant, c'est toujours dans ce qui touche à la différence qui est entre al-rububiyya ou al-uluhiyya, et que cela ne nous a pas entré en islam pour autant, et qu'ils avaient bien compris le sens de la ilaha illallah, et que pour eux, al-ilah, le sens ilah, ça revenait à ceux pour qui ils appliquent les adorations, c'est-à-dire les créatures. Ils ne voulaient pas que cette uluhiyya revienne à Allah. Eux, c'est juste rububiyya pour Allah. Amal uluhiyya, c'est pour les créatures, pour parvenir à rububiyya, au créateur. Hada kana kastuhum wa hada kana kanat aqidatuhum. C'était ça leur aqida à l'époque. Naam. Ça veut dire que l'acteur fait ou n'a qu'au subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.